Japon, il y a une chasseuse de cartes. Les cartes de Chloé, elle les cherche dans sa région. Elle cherche si des fois il y en a pas sous le pingouin. Puis des fois si Yukito en a pas une chez lui. Sakura Kinomoto, c'est son nom. Avec sa copine Tomoyo, qui passe son temps à la filmer en action. Sakura, une magique adieu et sans fichouet, qui autour de plein de gens bizarres, et même ses filles et toi pas être. Sakura. Son grand-père l'embête tout le temps, on ne sait pas pourquoi. Elle a des vues sur le pote de son frère. Et Tomoyo en assure Sakura. Et puis Shaolan entre elle et Yukito. Sakura Kinomoto, c'est son nom. Avec son ami Yukito, qui est aussi un gardien des locales. Sakura, une magique cœur qui a une peluche. Robert Ossélio, Mégalo, qui sera un vrai monstre avec les gars. Avec les cartes Windy, Jump, Fly, Sword, Shield, et Water, Thunder, Mirror, Illusion, et Fichier, Boy. Il y avait trop des cartes. Sakura Kinomoto, c'est son nom. Héroïne prépubère et drôle, il mélange ses histoires avec des cartes. Sakura, magique à gueule qui change de frein. Victor Boyol, évidemment, cinéma c'est un truc de ouf. Sakura Kinomoto, c'est son nom. Avec sa copine Tomoyo, qui passe son temps à la filmer en action. Sakura, une magique à cœur et sans déchouer. Vit autour de plein de gens bizarres, et même ses filles et toi pas aider.